système de vautours, ligoté au quotidien, dans ses actes de vauriens, oppressé par l'envie de brûler ses issues, déchiré de sa voix, que tout est illusoire. Que je clame pour pénétrer vos âmes, et c'est un prix sans sursis qui ravit en vue. Je n'ai plus d'état d'âme pour vos quelques larmes, mais tu pries pour les fronts, viens pour loin des temps. Répliquer son amour après trop de soupirs. C'est ma rage que j'éclate pour avoir à débattre. C'est un hurlement de joie que j'attends après ça. Je n'ai plus de raison l'opinion de qui crie pour les rangs, mais elle reste les petit pays vous dérange, petit pays vous dérange, petit pays vous dérange, petit pays vous dérange, petit pays vous dérange.